J'aimerais, je voudrais, se dit. Ich möchte. Ich möchte. Encore une fois. Ich möchte. Ich möchte. Donc, j'aimerais l'avoir. Ich möchte es haben. Bien. Ich möchte es haben. Et si vous ne vous souvenez plus du möchte, vous pouvez toujours dire je veux l'avoir, qui se dit ich will. Bien. Ich will, je veux l'avoir. Ich will es haben. Ich will es haben. Je veux l'avoir. Donc, ich will es haben, c'est je veux l'avoir. Et j'aimerais l'avoir, c'est ich. Ich möchte. Ich möchte l'avoir. Es haben. C'est presque ça. Ich möchte es haben. Bien. Ich möchte es haben. Ich möchte es haben. Et maintenant, pour dire j'aimerais savoir. Savoir, c'est wissen. Wissen. Wissen, W-I-2-S-E-N. Wissen, c'est savoir. Donc, nous savons, ça donnera. Wir wissen. Wir wissen. Vous, vous que je vous vois, savez. Sie wissen. Sie wissen. Savez-vous? Wissen Sie? Wissen Sie? Mais il y a une petite irrégularité avec je pour dire je sais. On l'a déjà évoqué. Je sais se dit. Pensez à la petite fleur des Alpes. Ich weiß. Ich weiß, effectivement. Bien. Donc, pour je sais, ce n'est pas ich wisse. Non, avec je, le verbe wissen se comporte de manière un peu particulière et ça donne ich weiß. Mais sachez que cette forme weiß va vous servir aussi avec il ou elle au singulier ou cela. Donc, il sait, er weiß, sans le T habituel. Mais encore une fois, vous savez, se dit weiß sie? Non. Sie wissen. Sie wissen. Bien, redites-le. Sie wissen. Sie wissen. Nous savons. Wir wissen. Wir wissen. Ils savent ou elles savent. Sie wissen. Bien. Sie wissen. Très bien. Mais je ne sais pas où c'est. Ich weiß nicht, wo es ist. Bien, ich weiß nicht, wo es ist. Comment dit-on dire? Pensez à dire zigzag. Sagen. Sagen, oui. Sagen, c'est dire. Pouvez-vous me dire? Können Sie mir sagen? Können Sie mir sagen? Et pour dites-moi? Dites-moi, s'il vous plaît. On dira. Sagen Sie. Dites-moi. C'est-à-dire, dites à moi. Mir. S'il vous plaît. Sagen Sie mir, bitte. Bien. Sagen Sie mir, bitte. Dites-moi, s'il vous plaît. Et dites-moi, s'il vous plaît, où c'est. Sagen Sie mir, bitte. Bien. Où c'est? Wo es ist. Bien. Sagen Sie mir bitte, wo es ist, car je ne peux pas le trouver. Car, denn, denn, je ne peux pas le trouver. Denn ich kann es nicht finden. Oui, denn ich kann es nicht finden. Nicht vient après es. Sagen Sie mir bitte, wo es ist, denn ich kann es nicht finden.